Vous êtes à l'écoute de... Le Transjana. Le Transjana. Le Transjana. Voilà. Oh, voilà, bonsoir. J'ai un retour très fort. Voilà, bonsoir. Donc, vous vous trouvez sur l'émission anarchiste de Radio Yarlib, Transjana, comme tous les mercredis soirs de 20h30, de 20h30 à 22h. Notre adresse est le 02. Non, notre adresse est le téléphone. 365A Chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, c'est le 02 344 58 55. 02 344 58 55. Voilà, ce soir, nous avons un invité. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Tu n'es pas, de Marc, hein. Tu n'es pas nouveau dans notre émission. Tu es déjà venu plusieurs fois. Oui, c'est la deuxième fois en fait, mais bon. Ah, c'est la deuxième fois seulement. Oui. Ah, ok. Voilà, ce soir nous allons parler de la sujet culturel qui est un, en fait, de le Bauhaus qui est une école en fait, qui est une école, qui est un mouvement, qui est une idée, on ne sait pas trop quoi. Le Bauhaus a été créé il y a 100 ans à Weimar, en Allemagne. Oui. Alors, tu vas nous parler de ça ce soir ? Je vais un peu parler de ça ce soir. Je suis en fait, peut-être un peu trop vite quand on m'a demandé de parler du Bauhaus, parce que moi j'aime bien le Bauhaus aussi. J'ai dit, ah oui, super intéressant, je vais parler du Bauhaus. Et après, je me suis réalisé que c'est quand même une émission anarchiste. Et j'ai fait des petites recherches et tout ça. Et je me suis réalisé qu'en fait, Bauhaus n'a quasi rien à voir avec l'anarchisme. Donc, ils étaient quand même de gauche. Ils étaient de gauche, non, un peu plus autoritaires. Ils étaient marxistes-léninistes. Oui. Ouais. Donc, avant de parler de Bauhaus même, je veux quand même parler un peu de la période juste avant, mm-hmm. et d'une figure clé qui a fait des choses dans ce monde-là. C'est Henri van de Velde. Mm-hmm. C'est un Belge qui est allé vivre en Allemagne et là, dans ce que lui a lu, ce que lui a fait, ce qu'il lui a dit, on peut quand même avoir un lien avec l'anarchisme. Donc, Henri van de Velde, qui est né en Verche, je crois, quelque part dans la deuxième quart du 19e siècle, il venait d'une famille aisée. Mais lui et son papa voulaient qu'il faisait des études pharmacie ou juriste ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, lui, il aimait bien dessiner tout ça. Donc, même sans que ses parents le savaient, il s'est inscrit dans l'Académie des Beaux-Arts en Vex pour suivre des cours. Et après, son père a accepté quand même. Donc, ça, c'est bien dans la famille. Et c'est un milieu, donc il a commencé à peindre, donc c'est quelqu'un qui faisait des peintures, mais qui voulait aussi, enfin qui était lié à des mouvements un peu progressistes dans ce temps-là, et même quand il était à l'académie, un de ses professeurs, c'est un peintre vers là, qui était aussi quelqu'un qui aimait très beaucoup Gustave Courbet. Bon, je retourne un peu trop loin dans le passé, mais Gustave Courbet, c'est un peintre réaliste qui était ami avec Proudhon, donc là, il y a un lien aussi avec l'anarchie. On peut faire une anecdote sur Courbet, qui est quand même, qu'il faut dire ça aux auditeurs, parce que c'est extraordinaire. Courbet a payé des gens, payé, façon de parler, payé un peu avec faire des banquets et tout, et de dire à des gens de casser la colonne Vendôme. En fait, c'est Courbet qui a financé pour casser la colonne Vendôme. Et c'était, ce qu'il faut dire, c'est que la colonne Vendôme, parce que Courbet était quand même antimilitariste, la colonne Vendôme c'est des canons qui ont été fondus sur les batailles napoléoniennes. Alors voilà, et il a un truc. Et il s'est fait prendre, et l'État français, lui a demandé 1 million de francs à l'époque, c'était énorme. Et c'est pour ça que Courbet, toute sa vie, pour la bourgeoisie, il a peint des fleurs. Il a peint des fleurs pour la bourgeoisie. Pour et pouvoir rembourser. On est en train un peu de dévier des choses, mais c'est vrai que Courbet a tout fait ça. Et le malheur avec lui, c'est qu'en fait, après tous ces problèmes-là, il s'est réfugié en Suisse et il est mort en tant qu'alcoolique. Donc ça, c'est un peu triste, la situation-là. Normal, il y a du bon vin blanc en Suisse. Donc en fait, je veux retourner à Henri van de Velde qui a quand même, il y a une petite anecdote aussi sur lui, qu'au certain moment, il avait une petite copine et il voulait quand même dire que lui, c'est quelqu'un qui lit, qui apprend des choses. Dans ses mémoires, il explique qu'à un certain moment, il a dit à sa copine de futur, ou sa femme de futur, elle dit, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est bien sûr, c'est les écrits de Kropotkin, c'est les écrits de Reclus, bien sûr aussi de Marx et tout ça, mais bon, c'était quand même ces deux anarchistes-là. Et là, il combinait ses intérêts pour les écrits de Kropotkin et de Reclus avec un intérêt aussi pour l'art que Maurice en Angleterre, le Arts and Crafts, et Ruskin. Et ces artistes-là, ils ont commencé à donner une nouvelle importance à l'artisanat. C'est-à-dire, quand on voit les églises gothiques et tout ça, il n'y a pas un nom d'un grand artiste qui est mis quelque part dans la pierre. Voilà, c'est lui qui l'a fait. Non, c'était plein d'artisans très talentueux qui ont fait ça ensemble sans vraiment vouloir mettre un nom. Non, c'était une sorte de travail collective. En commun. Oui, une œuvre collective. Travail collectif. Et ça, c'est quelque chose qui est resté très profond dans la tête de Henri van de Velde. Et à certains moments, il a régner complètement à faire de l'art, de la peinture et tout ça. Il a dit non, moi je vais me concentrer sur les arts appliqués. Donc ce qui est aussi important, c'est la totalité. Donc c'est pas seulement la peinture qui est importante, non, c'est aussi le design, c'est les vêtements, c'est les vases, c'est tout ça. Et en tant que autodidacte, il a voulu mettre ça en pratique. Donc il a, à Uccle, il a créé sa propre maison. Il a dessiné, ça c'est la maison Blumenwerf à Uccle, et il est allé même si loin qu'il dessinait pour être bien dans la totalité de cette œuvre qui était la maison. Donc c'est pas seulement les fenêtres, c'est pas seulement les tables, il allait jusqu'à dessiner aussi les robes de sa femme pour être dans cette œuvre artistique entière. Donc et ça c'est quelque chose qu'il faisait donc à la fin des années 90, au 19e siècle, donc 20e siècle, 19e siècle. Moi j'ai un problème avec les dates. 19e, oui. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que tous les architectes de l'époque, qu'ils soient français, belges, allemands et tout, faisaient tout en fait. Ils allaient de la petite cuillère à la poignée de porte et à la porte, à tout quoi. Oui. C'est ça qui est important. Mais c'est l'art nouveau, hein. Donc c'est-à-dire que c'est un peu Henri van de Velde qui a créé le thème. Donc il a écrit le texte où il parlait de l'art nouveau, même si c'était pas avec majuscule, c'est seulement dit voilà, on veut faire un art nouveau où on fait justement ce que qu'Alex vient de dire, on fait tous les corps de métier. Quand on va visiter la maison ou la musée Horta, c'est Saint-Gilles. Saint-Gilles. Ben voilà, tu vois ça aussi, donc il a dessiné le tout. Mais pour moi, c'est important, donc Van de Velde, il a déménagé en Allemagne, donc il habitait là, il a fait aussi là des bâtiments, il a créé des maisons et tout ça. Et à certains moments, il était aussi responsable d'une sorte de... Ça s'appelait Werkbund. Mmh. Donc c'est une organisation de travail, donc c'est des architectes, des ingénieurs et des dessinateurs et tout ça. Donc et lui était responsable de cette école-là, où il voulait quand même aussi dire, voilà, j'aimerais bien faire tout ça. Il a eu des gros problèmes avec les conservateurs de ce temps-là, aussi dans cette même école. Mmh. Et alors, je crois que c'était plus ou moins, donc il y a la Première Guerre mondiale qui s'éclate. Et comme lui était belge, il était là en Allemagne, donc on lui a demandé quand même de partir, parce que ce n'était pas bien vu. Et il a nommé un certain Walter Gropius comme son successeur. Et ce même Walter Gropius, après la guerre, en 1919, a créé une autre école, mais se basant sur le même principe que Van de Velde a fait dans l'école précédente, et a créé ce fameux Bauhaus, où on voulait mettre en pratique, et pas commencer à... Parce que c'était un problème dans l'histoire de l'art, et ça existe toujours maintenant aussi, dans toute une série dans les études qu'on fait maintenant aussi, on dit quand même, voilà, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a l'architecture, et là sont les arts majeurs, et alors il y a tout une série d'autres choses qui sont les arts mineurs et tout ça. Donc et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, déjà avec Van de Velde et après avec Gropius, qu'ils ont créé une école où on mettait au même niveau toutes ces différentes formes d'expression artistique. Et c'était même intéressant de voir aussi qu'ils voulaient que les gens qui donnaient les cours, c'était pas vraiment un sorte de professeur dans un... C'était des maîtres, il disait. C'était des maîtres qu'il disait, mais maîtres dans le sens médiéval. Mm. Donc dans le sens que, voilà, si on veut apprendre quelque chose, ben, il y a une sorte de vie commun avec celui qui apprend, celui qui... Bon, là, en français, j'ai me bloque là. Quelqu'un qui doit apprendre, quelqu'un qui va apprendre. Oui, entre le professeur et l'élève. Donc on dit, voilà, il y a le maître, mais ça ne veut pas dire que c'est une position dominante, irrépréciable et tout ça. Donc c'est plutôt une sorte de manière plus évidente de faire passer les connaissances et tout ça. Et pour ça, le Bauhaus, pour moi, c'est le plus important qu'on a créé ce genre de système-là. Et on a aussi... créer un système où on ne fait plus cette distinction entre la peinture qui est la plus importante et la orfèvrerie qui est peut-être moins importante et tout ça. Donc ça, c'est un aspect de cette école qui est quand même important en tant qu'expérience collective. Qu'est-ce qu'on fait avec les capacités que les gens ont en soi? Il y a un élément qui est aussi très... Novatrice, on dit ça. Novateur. Oui. Novateur. c'est quand on a ouvert cette école-là, donc il ne faut pas oublier, on est 1919, c'était ouvert à tout le monde. Donc c'était pas seul. Donc il y avait des gens qui pouvaient s'inscrire et on se réalise qu'en fait il y a plus de femmes que d'hommes qui sont inscrits au début. Donc là aussi on a une sorte d'idée que, ah, waouh, c'est magnifique, donc on a cette... cet égalitarisme, une sorte de pré-féminisme et tout ça. Et moi, je pensais que c'était super positif. Et après, quand j'ai regardé un peu plus loin, je me suis dit, mais en fait, quand on regarde vraiment où les femmes, où les hommes sont positionnés, c'est peut-être pas leur choix, mais quand même, on voit que la plupart du temps, les femmes, c'était dans le textile. Pas dans les autres. Et il y a une étude, et je ne l'ai pas retrouvée, mais il y a une femme qui a écrit dans les années 90, je crois, un livre là-dessus aussi, sur le gender et le Bauhaus. Et cette idée-là que j'avais au début, que oh oui, c'est quand même magnifique, il y a une égalité, elle a montré que ce n'était pas du tout vrai. Donc ce n'était pas vraiment le bon exemple de tout. On a certains profs aussi, on vraiment poussé les femmes, oui, mais c'est mieux que vous allez dans ce petit dans cette direction. Décision-là et tout ça. Donc, quand on entend encore maintenant aussi que voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont étudié là aussi, il y a même certaines femmes qui ont fait une certaine carrière là-dessus, mais c'était quand même des minorités, c'est pas le grand féminisme artistique qu'ils voulaient donner parfois certains gens ce que c'est Bauhaus. Mm-hmm. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut-être doit encore être étudié un peu plus profondément, quoi. Et maintenant... Mais il y a eu quand même des grands peintres, des grands architectes, des grandes personnes assez importantes qui ont participé. Ça, c'est très important aussi, et c'est même double. Hein. Donc on a demandé on peut dire ça, des grands, des gens qui sont connus maintenant comme des artistes importants du siècle, qui étaient là en tant que prof. Il y a des autres qui étaient même là en tant que... étudiant, et j'avais quelque part une liste, donc il y avait par exemple Kandinsky qui était prof là-bas, il y a Paul Klee, donc sous des gens qui ont vraiment fait qui étaient ce sont les figures importantes de l'art des premières moitié du 20e siècle. Un autre qui moi j'aime bien mais qui est un peu moins connu, c'est Marcel Breuer. C'est celui de la fameuse chaise. Donc si quelqu'un se rappelle, voilà, il y a la chaise Bauhaus avec le cuir et le... Il y avait le Molinari. Et là, quand je regarde un peu, parce que maintenant on peut trouver tout sur Internet ce qu'on veut, hein, donc Wikipédia, machin, tous les autres là. Mais avec Laszlo Molinari, il y avait aussi sa femme. Il a fait plein de choses, mais c'est comme... Il a fait des photos. Oui, c'était très important, parce que justement, là aussi, quand on retourne vers la classification des arts, eux, ils ne le faisaient pas. Donc, toutes les possibilités d'expression étaient importantes. Donc, la photographie, c'est un peu avec Bauhaus aussi qu'on a montré que c'est un art spécifique. Il y a eu aussi Itten. Itten, qui a été important aussi. Qui était très important, mais qui est moins connu. Donc, il est très important parce qu'on le voit. Itten et tout. Ouais. Et il y avait. Je ne sais pas que c'était lui qui était aussi directeur. Il y avait, en tant que photographe, il y avait Florence Henry, qui était extraordinaire. En plus, elle a vécu assez longtemps, elle a fait des trucs, elle était américaine. C'est la seule américaine qui était dans le mouvement du Bauhaus. Il y a eu Marianne Brandt aussi. Il y a eu Marianne Brandt, mais on peut en dire. Et alors, j'ai une anecdote que je voudrais dire. En fait, il y a eu un élève du Bauhaus qui s'appelait... comment dirais-je ? Ça y est, j'ai perdu son nom, je vais le retrouver. Qui s'appelait Max Biel. Ouais. Et Max Biel, c'est un type qui était assez extraordinaire. Mais je crois qu'on va y arriver à la fin, donc, parce que moi je vais faire justement avec Max Biel et les autres que je vais, et surtout je vais arrêter à la fin, avec le, parce qu'on m'a demandé aussi de parler un peu de la suite. Donc il y a Bauhaus, donc ça, ça a commencé en 1919, donc ça a duré jusqu'à 1933, avec les nazis qui ont écarté tout ça. Non, mais moi, je veux dire, le futur, et ça, on va arriver... C'est-à-dire, mon anecdote, je l'ai fini, c'est-à-dire que Max Biel a été étudiant et a rencontré Van Tangerlo. C'est là que je voulais venir là-dessus. Ouais. Parce que, en fait, Van Tangerlo, il avait fait le style... Et il était connu et tout, parce qu'il a fait des choses intéressantes. Et c'est-à-dire qu'il a été fâché, Van Tangerlo, parce que quand il y a eu la guerre de 14, les Hollandais n'ont pas soutenu, parce que les Hollandais étaient neutres en 14, à part Matahari qui s'est fait flinguer. Mais sans ça, ils étaient neutres. Et comment s'appelle Van Tangerlo voulait avoir une reconnaissance un peu de la Hollande, parce qu'il avait participé du Bauhaus. Et alors, bon, il s'est tiré, il s'est parti il a quitté le style, et il a été à Paris et tout, et il a rencontré Max Biel, qui l'a, comment s'appelle, lui a acheté quasiment toute sa peinture. Parce que Van Tangerlo, il n'a rien. C'était un pauvre prolo à Paris qui faisait de la peinture. et qui vendaient rien, quoi. Et heureusement qu'il y a eu Max Bill qui lui a acheté toute sa peinture. Voilà, c'est l'anecdote que je vous... Oui, bah, si on peut dévier, on peut dévier. Moi, je pense à David Bowie et Iggy Pop qui a fait ça aussi, mais bon, c'est... Okay. Non, mais ce que moi, je voulais faire, donc, à part le fait qu'il y a les arts appliqués et tout ça, un autre nom, parce que on a mentionné tout ce qui est de nom, il y a un autre nom qui est très important aussi, c'est Oscar Schlemmer. Ah, c'est fabuleux. Donc, et là, on voit aussi quand on veut mettre Bauhaus quelque part, enfin, veut donner à Bauhaus quelque part une place importante dans les arts aussi d'aujourd'hui, ben, Schlemmer, c'est une personne qui a plus ou moins créé ce qu'on appelle les performances de théâtre moderne. Il a utilisé aussi les costumes très, très avant-garde pour faire des shows et tout ça. Et ça faisait même partie de l'éducation à Bauhaus. Donc il organisait des soirées, justement. Donc c'est pas seulement que voilà, les gens venaient là pendant la journée, on avait des cours. Non, il organisait des soirées où les gens pouvaient montrer ce qu'il faisait, et justement avec les shows, enfin, je dis show maintenant, c'est un terme assez moderne, que Schlemmer a fait, c'est vraiment un peu la base ou l'importance de tout ce qu'on a vu beaucoup plus après dans les performances des artistes contemporains, quoi. Mais ce qui était important effectivement dans le Bauhaus, c'est qu'il y avait bon effectivement la peinture, la sculpture, un peu tous les arts, comme on appelle les arts. Il y avait tout. Mais il y avait aussi la danse, le théâtre, la photographie, qui était assez nouvelle aussi. Et il y avait tous ces enseignements qui étaient quand même assez extraordinaires pour l'époque C'était très important. Et la manière aussi quand Gropius, et avant et après, on voulait apprendre à des étudiants de faire les choses-là, il y avait une grande partie qui avait à voir avec le matériel, comme ça, seulement le matériel. Il y a un truc de les matériaux. Donc, il y a la technique et tout ça. Donc, sans vraiment... parce que Gropius était un architecte. On parle de Bauhaus de l'architecture, mais quand on regarde ce qui c'était le premier Bauhaus, c'était pas l'architecture, mais c'était vraiment la base pour pouvoir faire une architecture. Et ça c'était un peu la vision de Gropius aussi. L'architecture, c'est un art complet. Donc l'architecture, c'est pas un bâtiment. C'est pas des murs, c'est pas des... Non, l'architecture, c'est le tout. Ça vient un peu aussi de Henri Van de Velde, qui, quand il a créé sa propre maison, que je viens de dire là tantôt, donc il allait jusqu'à dessiner les robes de sa femme, les cuillères, tout ça. Donc là, c'était important. Mais bon, Bauhaus avait un autre aspect, c'est-à-dire qu'il voulait aussi l'appréciation de ce qui est beau, donc, et ça vient aussi un peu de Arts and Crafts, de Maurice Erskine, l'appréciation qui est beau, c'est quelque chose pour tout le monde aussi. Donc, eux, ils voulaient aussi créer la possibilité de, quand on fait une chaise, ben, d'office, ça doit être utile, ça doit être une chaise, donc on doit être là-dedans, très, très à l'aise, mais ça doit être aussi beau. Pas seulement beau dans le sens que ça doit être beau, non, ça doit être utile. Donc ce qu'eux ont fait, ils ont créé cette manière de penser que l'utilité d'un objet, c'est pas seulement que c'est vraiment pratique, c'est lié avec l'esthétique là-dedans. Et ça, c'est très, très important pour Bauhaus, mais comme il c'était quand même, parce qu'on a un peu rigolé, c'était pas très anarchiste, c'était plutôt communiste et tout ça, mais il y avait quand même une vision sociale de la société. Donc il voulait que tout le monde ait accès à ce genre de choses. Oui, c'est ça. Donc quand ils ont créé quand ils sont en train de dessiner qu'ils voulaient faire, il y avait déjà l'aspect dans leur tête aussi que ça devait être facile à faire. Oui. Ils avaient même des contacts quand ils sont allés à Dessau aussi, c'était pas trop loin des usines, hein, donc ils avaient le contact avec l'industrie justement pour faire que voilà, on peut créer un design qui est d'un côté, c'est beau, c'est utile et c'est affordable. Oui. Donc, en tant que vision, c'est quand même très moderne. Oui, parce qu'en fait, il y avait une industrialisation au début du siècle qui était importante, où l'industrie faisait des objets qui n'étaient pas terribles, en fait, qui étaient des copies de trucs anciens, machin, des trucs comme ça qui n'étaient pas beaux. Et eux, ils se sont dit, il faut que l'industrie, dans l'industrie, rentre aussi l'esthétique. Oui, dans l'esthétique. Et c'est pour ça qu'ils ont créé cette école du Bauhaus. Ouais. Non, mais il y a un côté très important qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque du Bauhaus, il y avait quand même deux styles qui étaient avant et oui, après. Le style était avant, mais il y avait plein de il y avait quand même à Vienne, il y avait le il y avait section, quand même la section. Et je pense que c'était plein de groupes, comme à Paris, en France. C'est-à-dire, ce qu'il faut expliquer, en fait, ce qui est très important, c'est que le Bauhaus, c'était une école non élitique. Bon, comme le style, c'était pas élitique. Et la différence qu'il y avait en France, c'est que c'était un petit peu élitique, quoi. Malet Stevens, des gens comme ça, c'était un peu élitique, quoi. Mais il n'y avait pas une école, vraiment. Donc là, c'était des, il n'y avait des pas d'école. Personnes. Si, en France, donc, il y avait quand même... Non, non. Il y a une école qui s'est faite entre 1920, 1918, 1920. Il y a quand même une école qui était... comment ça s'appelle ? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, ça va. Voilà. Donc, juste pour... c'est pas que notre... technicien est prêt, mais Bauhaus c'est aussi le nom d'un groupe gothique des années 80. Ouais. Et c'est pas que vous avez cette chanson là quelque part près. Oui, bien sûr. Là, voilà. Là. Donc moi j'aime bien. Donc c'est, enfin, c'est un peu aussi de ma période, quoi. Voilà. Donc on se retrouve sur Tranche d'un art, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Voilà. Où est-ce qu'on en était ? Où est-ce qu'on en était ? Ben, on était en train de parler de tout. Hein. De tout. Ouais. Mais ce qui était important aussi, donc, comme c'était comme qu'on avait dit, c'était une école qui était assez progressiste. Il y avait des idées égalitaires. Il y avait la possibilité des femmes de venir dans une école au même moment que les hommes. Il y avait une certaine tendance à dire que l'art, ça doit être aussi utile pour le peuple. Le peuple doit avoir accès à tous ces genres de choses-là. L'école a commencé en 1919, mais bon, on avance dans le temps. Et à certains moments, on se trouve fin des années 20, début des années 30. Et en Allemagne, il y a plein d'autres choses qui sont en train de se faire. Et alors... ce qui s'est passé... Il y avait l'esprit de la moustache. Ouais. Passif. Donc, ce qui est fait, c'est aussi que dans certaines villes, même déjà dans la fin des années 20, il y avait le nazi national socialiste qui rapportait les élections et tout ça. Donc, à certains moments, l'école devait partir de Weimar et donc aller à Dessau. Après, elle devait partir de Dessau et sont arrivés à Berlin. Et c'était une phrase que moi j'ai bien aimée dans un article que j'ai lu aussi, que même si d'un côté ce que les gens de Bauhaus voulaient faire, c'est-à-dire un art qui a à voir avec le peuple, ce que les nazis voulaient faire aussi, mais ils ont fait d'une manière complètement différente, dans le sens que ce que Bauhaus voulait faire, c'est vraiment que le peuple avait aussi quelque chose à dire là-dedans, et qu'avec les nazis c'était un art pour le peuple, où le peuple n'avait rien à dire là-dedans. Et comme d'un côté, il y avait quand même, c'était quand même clair que certains membres du Bauhaus avaient des liens, tendances communistes et tout ça, il y avait des juifs là-dedans aussi. Mm-hmm. Donc au moment que les nazis ont pris pouvoir en Allemagne, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est vraiment fermer l'école. Et plein des artistes ou plein des gens qui étaient liés à Bauhaus, ils sont enfuis. Donc il y a une grande partie qui est allée aux États-Unis, il y a des autres qui sont allés en Suisse, dans ce pays. Mais je crois là aussi, le fait qu'il y a quand même quelques des artistes importants qui sont enfuis vers les États-Unis aussi, ça a donné un sorte de boost, pas au mythe, mais aux importances de Bauhaus, parce que là, ils sont quand bien tombés dans un pays où ils pouvaient vraiment montrer ce qui était important. Et c'était même... Moi, je crois que dans les années 30, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà une exposition aux États-Unis sur le Bauhaus. Donc ils ont compris aussi, d'un côté que c'était important, mais pour moi c'est un peu double aussi, parce que tu sens aussi une certaine commercialisation de ce truc-là pour montrer que voilà, nous on est libre et tout ça. Mais ça c'est... Donc le Bauhaus a poursuivi aux États-Unis d'un côté, donc avec certains artistes. Le Bauhaus a aussi poursuivi dans les idées dans d'autres pays. Mais juste, parce que je crois qu'on a quand même plus ou moins vers la fin de l'émission, il y a quelque chose qui est peut-être complètement à côté de ce qu'on dit, mais dans les années 50, il y avait des artistes autour du groupe Cobra, comme Asger Rjorn, comme Max Bill, que Axel a parlé, qui ont créé une sorte de Bauhaus imaginiste. Donc ils ont repris, c'est vraiment loin des idées de base de Bauhaus, mais ça veut quand même dire que ces idées de base de Bauhaus, ils ont fait une sorte de saut après la Deuxième Guerre mondiale pour arriver à des artistes assez avant-gardistes des années 50 comme Asger Rjorn et tout ça, pour qu'il y ait quelque chose en tant que groupe ensemble. Et ce Bauhaus imaginiste, c'était en fait aussi un des éléments compositeurs situationnistes internationales et tout ça. Donc si on veut voir l'évolution, quand moi j'ai commencé à parler au début du fait que Henri van de Velde, en tant qu'artiste, architecte, je ne sais pas quoi, belge, qui a créer une sorte de base pour ce que une sorte de Bauhaus pouvait se créer après, ben ça va encore après aussi. Donc il y a des influences après aussi jusque dans les années 50, 60 et probablement plus loin aussi. Le seul problème que j'ai un peu, c'est que quand on parle du design Bauhaus et tout ça, quand on parle du design maintenant, on perd quand même l'aspect social et c'est très commercialisé. C'est très élitiste en fait. Mais voilà, donc c'est plus ou moins ce que je voulais, ce que je voulais dire. Ah ouais. Tu voulais dire quoi, que non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu, comment on s'appelle, il y a eu des gens qui n'ont pas été au Bauhaus, mais qui ont fait des choses extraordinaires juste après la guerre. Mais qui ont été quand même avant la guerre dans des groupes comme le Dada et des choses comme ça. C'est comment ça s'appelle, c'est Harpe, Jean Anne Harpe. Harpe. Il y a eu comment elle s'appelle, Sophie Trauber. C'était qu'il est marié avec Harpe. Ouais, ils étaient mariés ensemble. Tauber, Sophie Tauber et Hansa. Il y a tous ces gens-là qui n'étaient pas trop connus parce qu'ils n'ont pas été dans le mouvement du Bauhaus. Eux, ils étaient dans le Dada, mais c'était un peu dans le même genre. Mais c'est vrai que ces gens-là, ils sont sortis après la guerre. Pendant la guerre, ils n'étaient pas très très connus. Ouais. Peut-être que je peux retourner alors aussi à un autre truc quand j'avais dit au début de l'émission. Voilà, j'ai un problème avec Bauhaus parce que je ne vois pas directement un lien avec l'anarchisme. Donc j'ai commencé à parler d'Henri Van de Velden et tout ça. Mais en fait, il y a quelque chose, et j'ai lu ça aussi dans un article, que quelqu'un disait, voilà, quand on regarde dans l'art de cette période-là, il y a Dada, il y a le surréaliste, et là, il y avait quand même un côté assez anarch dans ces choses-là. Et ce même personne disait que, et après, au même temps, il y avait Bauhaus, et là, c'était très communiste autoritaire. Donc c'est quelque chose qui m'est resté aussi dans ma tête. Bon, ce sont des... Dada, c'était absolument pas autoritaire, parce qu'il y avait plein de trucs intéressants. Il y a des mouvements artistiques qui sont très ouverts, comme Dada et surréaliste, ouverts. Et qui ont un côté imprévisible et tout ça. Et le Bauhaus, il y a un côté très social et tout ce que tu veux pour avec une vision utopique du monde, mais qui sont quand même très autoritaires dans la manière comment on doit y arriver. Donc ça, c'est la différence pour moi entre le Bauhaus et le Dada. Ouais. Donc, et alors, si vous voulez voir un café, il y a un café qui est le même qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans et 80 ans, c'est à Zurich, dans le Niederdorf, il y a un café qui s'appelle Dada. Voilà. Le café Voltaire. À Zurich. Ça existe toujours. L'année dernière, on est passé avec Nicole, on a vu, on n'est pas rentré. Mais le café Voltaire existe toujours. Bon, c'est un peu disco, c'est un peu ce qu'on veut, mais... C'était là où, comment s'appelle, tout Dada s'est construit. Mais ça, c'est une autre émission. Hein, donc, on va faire une fois le truc de Dada. Et peut-être qu'on peut aussi rigoler avec le fait que Lénine était logé, il y a deux maisons à côté, et qu'elle a arrêté complètement le truc dadaïste. Non, en fait, il était plus haut, il était dans les montagnes. Il était un peu plus haut que le Niederdorf. Et c'est vrai qu'il avait une maison et tout. Mais il y a plein de gens qui ont habité. Il y a Lénine, il y a... On va peut-être s'arrêter là. Ah bon. Il y a Rosa Luxembourg. Il y a... Si vous avez l'occasion, c'est un apartheid que je fais. Une apartheid. Si vous voulez, il y a, comment s'appelle, un documentaire qui a été fait par... Mais si je sais, mais laisse-moi. Sur Arte, sur Rosa de Luxembourg, qui s'est passé il y a 2 mois. Voilà. Et c'est très intéressant. Ça n'a rien à voir avec le Bauhaus. c'est pas grave. Est-ce qu'il faut toujours être dans... Non, okay. Mais je dis ça comme ça. Merci Axel. Merci Eric, en tout cas, d'être venu nous voir. C'était avec plaisir, c'était... comme toujours. Ouais, oui, enfin, comme la deuxième voilà, fois. De toute façon, on ne t'oublie pas à chaque fois qu'on a des trucs un peu culturels, parce qu'on sait que... Je vais revenir, oui, mais... peut-être dans un an, je ne sais pas, mais... peut-être, oui, je ne sais pas, pour encore un anniversaire, ou même avant, pour autre chose, quoi. Pour, maintenant, pour un truc important. On va arriver au 1925, Hein? Ah, c'est ça ma pension. Ouais. On va arriver à 1925, okay. Après 30 donc, et tout. Non, y a plein merci de trucs. À vous. On va passer un petit morceau de musique. On va continuer. Oh. Alors, le portable. Tu parles dans ton portable, tu parles, parles, et tu ris dans ton portable sans savoir comment on l'a fabriqué, moins encore ce qui le fait marcher. Mais après tout, quelle importance? Ce qui est grave, c'est que tu ne sais pas, comme moi je ne savais pas, que beaucoup meurent au Congo, des milliers et des milliers, à cause de ce portable. Meurent au Congo, où, en plus de l'or et des diamants, dans ces montagnes, il y a du coltan, utilisé pour les condensateurs des téléphones portables. Pour avoir le contrôle du minerai, de grandes multinationales mènent cette guerre interminable. 5 millions de morts en 15 ans, ils ne veulent pas que cela se sache. Pays d'une immense richesse, avec une population très pauvre, 80% des réserves mondiales du coltan se trouvent au Congo. Les gisements de coltan existent depuis des années, 3 millions d'années. Nokia, Motorola, Compaq, Sony achètent le coltan, le Pentagone aussi, et aussi le siège du New York Times. Ils ne veulent pas que cela se sache et ne veulent pas que la guerre finisse pour continuer à sortir le coltan. Des enfants de 7 à 10 ans extraient le coltan parce que leur petit corps entre dans les petits trous pour 5 centimes par jour et des tas d'enfants meurent à cause de la poussière du coltan ou en marchant, en martelant la pierre qui s'effondre sur eux. Mais il y a aussi le New York Times qui ne veut pas que cela se sache et voilà pourquoi on ne sait rien de ce crime des multinationales, de ce crime organisé. La Bible reconnaît justice et vérité comme égaux de l'amour et de la vérité, d'où l'importance de la vérité qui nous rendra libres, comme la vérité du coltan, de ce coltan à l'intérieur de ton portable, dans lequel tu parles, parles, et tu ris dans ton portable. Alors ce texte est un texte Ernesto Cardenal, qui est en préface d'un livre qu'on m'a prêté, qui a été présenté il y a 3 semaines, je crois. Un mois. Un mois, qui a été présenté à... Je ne me souviens plus du lieu. La Licorne. À la Licorne, par Elisa, qui s'appelle Là... Ou Lisa, par, là où, qui s'appelle, le livre s'appelle « Là où vont mourir les fleuves ». Je trouvais que le poème était quand même assez important à lire. Et c'est un super beau livre d'ailleurs qu'elle m'a prêté et je vous le conseille. Et donc c'est Lisa fait partie d'un groupe qui s'appelle Les Lapins Électriques et qui organise lors d'événements d'événements particuliers une lapinothèque. Et alors c'est quoi une lapinothèque? Donc la lapinothèque c'est une distro un peu sauvage, d'orientation anarchiste, subversive, qui à la base du coup était la distro des Lapins Électriques, ce groupe de musique, je dirais, électro-anarcho-punk, et puis qui s'est élargi un peu plus, et donc maintenant on a un petit collectif de 4-5 à tenir cette lapinothèque. Du coup c'est une table avec des bouquins, des brochures, qui sont distribués, vendus à prix coûtant, plutôt sur la scène punk et un peu ailleurs aussi. Et, Oui, d'ailleurs, en fait, on va là où on arrive à aller, en fonction de nos motivations. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez nous inviter pour agrémenter vos soirées ou autre chose, vous pouvez trouver toutes les informations sur la Lapinothèque, sur la page, sur le blog des Lapins Électriques. Je n'ai plus l'adresse comme ça, mais si vous tapez les lapins électriques dans Google, ce sera le premier résultat qui sortira. Et là, il y a une petite page, Lapinothèque. Vous n'êtes pas sur Facebook? Non. C'est bien. On a une éthique encore. Un petit peu. On est vieux aussi. On peut trouver le besoin. Et du coup, voilà, si vous voulez contacter la Lapinothèque pour toute question ou pour nous inviter à venir poser notre table, vous pouvez passer via le blog des Lapins Électriques. Et via le blog aussi, on fait des petits résumés des bouquins qu'on présente ou qui sortent, qui se trouvent dans la Lapinothèque. Et ce soir, du coup, on va vous présenter quelques bouquins. Et ben, je vais commencer par un bouquin de Alexandre Marius Jacob, qui s'appelle Les Travailleurs de la Nuit. Alors, juste pour recontextualiser un petit peu, Marius Jacob, c'est un anarchiste individualiste de la fin du 19e siècle, qui était d'abord marin, qui a fait un bref parcours en piraterie, et puis qui est devenu anarchiste actif donc à la fin du 19e siècle. Et donc ce qu'il pratique, c'est l'illégalisme et la reprise individuelle par le cambriolage. Et donc il monte une bande qui s'appelleront les travailleurs de la nuit, qui cambriole un peu à travers toute la France en faisant des actions décentralisées avec des camarades, compagnons à différents endroits. Ils se spécialisent dans le crochetage et donc ils ont comme une certaine éthique dans leur travail, la bande des travailleurs de la nuit. Ils font attention à ne pas verser de sang, sauf pour protéger leur vie, et si c'est versé du sang, c'est uniquement contre la police. Ils veulent les métiers qui représentent et défendent l'ordre établi, l'ordre social bourgeois, donc les patrons, les juges, les militaires, le clergé. Et ils font gaffe à pas voler les professions qui peuvent être utiles. Donc les architectes, les médecins. Un gros pourcentage des fruits de leur vol va à la cause anarchiste, notamment pour des publications, pour des locaux, des journaux. Et il y a des camarades qui sont dans le besoin. Et donc Marius Jacob, il a vraiment une éthique de uniquement les fruits du vol, c'est juste pour de quoi survivre, et puis le reste, ça va au mouvement et à la cause. Et le livre dont je vais lire un passage, donc Les Travailleurs de la Nuit, il retrace un petit peu le dernier cambriolage avant son arrestation. Et des deux autres camarades qui l'accompagnaient. Et cette dernière opération, c'était à Abbeville, en France, où ils font un cambriolage, et puis ils se retrouvent, sans même voler le butin, à partir en cavale, et lors de leur cavale, ils tuent un agent, en blessent un autre, et puis là, ils se séparent tous les trois, et Marius continue sa cavale seul. Enfin, plutôt Alexandre, continue sa cavale seul. Et là, le passage que je vais vous lire, donc, on est dans une gare où il vient de se faire arrêter. Et c'est une discussion entre lui, un député et un policier. Et donc il est enfermé dans une gare. Donc c'est le. Quand je parlerai en jeu, ce sera Marius Jacob, et sinon les autres, c'est les autres. Mais puisque vous veniez de commettre un vol, me dit le député, il était tout naturel que les agents vous arrestassent. Le naturel n'a rien à faire dans la question, lui dis-je. Dites plutôt leur avantage. Ils ont obéi à la loi. D'accord, mais pour eux, la loi est un avantage. Non, c'est un devoir. Devoir pour tous les citoyens, du reste. Des mots que cela. Comment ça, des mots? Oui, des mots. Des mots pleins de sophismes, ajoutai-je en haussant les épaules. Si les animaux avaient la parole, nous entendrions l'âne parler bail, le cheval avoine, le porc pomme de terre, au même titre, pour la même raison, pour mieux dire, que le militaire parle consigne pour tuer, le prêtre religion pour tromper, le geôlier règlement pour torturer, le policier et le magistrat loi, l'un pour arrêter, l'autre pour condamner. Et les uns et les autres, ils en vivent, ils s'en repaissent. Le rentier, le propriétaire, le commerçant, l'industriel, tout capitaliste enfin, parle aussi loi pour voler. Que cette poignée de fripons aime, chérisse la loi, qu'ils s'en gargarisent la bouche avec emphase et béatitude, cela s'explique. Cela est dans l'ordre de votre société pourrie, puisque la loi est faite par eux et pour eux. Elle est le râtelier des uns et le bouclier des autres. Erreur, m'interrompit M. Canache. L'égalité sert le principe de la loi. Qu'un riche vienne à commettre un délit, un crime, il serait tout aussi puni qu'un pauvre. La bonne blague, qu'un riche vienne à commettre un délit. Mais monsieur, lui répondis-je, les riches n'ont pas à commettre des délits, de crimes, puisqu'ils volent, qu'ils tuent avec l'appui des lois, légalement. Ils ne cambriolent pas, eux. Ils commercent, ils agiotent. Ils n'ont pas à défendre leur liberté contre l'agression d'agents du pouvoir, puisqu'ils sont le pouvoir. Et que leurs valets les protègent au lieu de les attaquer. Ils ne tuent pas deux agents de police. Ils exterminent, patriotiquement, des milliers de prolétaires. La loi n'atteint donc pas le riche. sa fortune le domine. Être riche, c'est être honnête. Et donc j'ai voulu présenter cet auteur parce que, enfin cet auteur, ce bouquin, parce que ce que je retrouvais dans ce qui m'a plu, c'est la verve de Marius Jacob et sa détermination et son audace pour défendre ses idées. Et on peut enchaîner avec un petit morceau de Singe des rues. Baisse le pouvoir à ses juges. Cicatrice au plexus, blessure anti-matrice. Quand je maîtrise plus, me rappelle qui je suis. Un putain de mac actrice. Je sens qu'un sale regard. Reste à la cam qu'on lui enjette. Putain, tu m'y camisole. Comme si l'état en bloc, les caresses du gardien. Tends-moi la main, je te mords. Et rien à foutre qu'on m'isole. Animaux pas dociles, pas bête de cierre. Comme au service des humains. Pour l'océan d'eux, des puits sont morts plein dedans. Derrière les barres au vent rouge, on se porte pas dedans. Étincelle au fond de l'œil, c'est ça qui les dérange. Ils veulent l'éteindre, nous fous dans un carré, nous fous dans un linceul. Taper la tête dans le mur, à trop taré, à force d'être seul. Balancer à la poutre, penser à le faire au bout d'une ficelle. Plus de faille, pas d'issue, sans la poutre. Suicide, homicide, dans les demi-heures, à trop marre, plus rien à foutre. Combat sur la ville, tellement j'parle peu, on me prend mieux. À force pas vivre, on s'est capté la mode, j'finis à part sur les tueux. Sourire crispy, ouais, cul, mon lèvre au pupille, arme de sang, pourquoi les ténèbres m'attirent? Trop de masques sous la lumière pour que leur vernis craquait. Mes fissures sur leur mascara, on doit toujours à l'aveugle quand t'as tué un portail. Dispersion des forces, mais toujours la chair, une paix sous les corses. On dit le pire à venir, mes camisoles pour les cauchemars. Protectrice pour dormir, alors Babine retrousse les yeux ouverts. L'artère fémorale comme cible, un putain de singe pour un miroir. Prélation sous les blessures, mais souvent se trompe. Agressivité pulsionnelle, qu'on fait une comprime. Les poumons dans un écho et tu t'as dans le crâne. Un secteur combiné, fini les moutons sur du troupeau. Au bout du chemin, l'abattoir à part ça rien craindre. Je te le rappelle, j'ai jamais mort alors rien perdre. Refuse qu'on m'impose et pas de prière. Singe des rues que le système a rendu dingue. Avec des faces qui tournent en rond. Bah ouais, on a grandi en cage. Dédicace à ceux qui ont la rage, crève en cellule. Bientôt c'est nous et la ville rouge. Singe des rues que le système a rendu dingue. Avec des faces qui tournent en rond. Bah ouais, on a grandi en cage. Dédicace à ceux qui ont la rage, crève en cellule. Bientôt c'est nous et la ville rouge. Mais je veux le pouvoir à ses juges. Aliénation, piteuse état, erreur dans l'évolution. Sortie du destin tracé, drain tard, droit bizarre, grasseux. Trop de force sur la France, du côté de ceux qui a les crades, du côté de ceux qui a les crous. Ce qui m'effraie par la zermie ou commentaire dans un trou. C'est laisser faire au bien de parmi. On va s'armer comme les panthères contre les porcs, les vautours d'une cieux, des bastos, pour un d'acier pour un nord tour. Un sale quart d'heure pour les bâtards, une sale équipe sans étendard. Évidemment sans état d'âme, mais déjà fou, pas par hasard. Attends plutôt que skip. T'as des sadiques, en tout cas pas citoyen. J'fais pas mon propre flic, t'as des sales flics. Mais je le prends, t'es l'avocat, sorti du zone, n'y retourne pas. Et puis si trop d'ennemis, pour s'en sortir ici, de la patience et de la rage. Confiance en tes straps, faut t'en autant solo, j't'apprends rien. Rien de neuf dans nos putains de vies. Rien de neuf dans nos putains de vies. La vie sépare, la prison c'est pas haut. Les compromis, les efforts, j'suis pas les tarots. Tu finiras sur le chaos. En taille au couteau sur le corps. T'auras ce que tu prends, des fuites ou des victoires. Garde l'espoir pour un autre jour et c'est même beau son mensonge. Enfermement des corps et des cerveaux. Trop drôle à venir et trop t'envoler pour deux trois instants de vie. Animal instinct de survie, cicatrice à cuisine. N'a qu'un court garçon, qu'un coup de piqueur en déterre. L'ensemble du pays va s'étendre notre revenu. Pas besoin de prévenir sur les caches premières sous nos coups. Révolte en provenance du sonnerie, embrasse les prisons. Par les clés, maintenant les blouses blanches. C'est l'heure de la revanche. Un lopement au libre. Un potion, c'est carlate, du virus battre. Radical scène du crépuscule, orage de sol, on me bat, je suis des et je me lève. Je suis en orienté, dans nos vies comme sur nos sangs, c'est dans nos veines comme un venin, c'est du seul qui nous ressemble. Singe des rues, que le système a rendu dingue, avec des faces qui tournent en rond. Bah ouais, on a grandi en cage, dédicace à ceux qui ont la rage, crève en cellule, bientôt c'est nous et la ville rouge. Singe des rues, que le système a rendu dingue, avec des faces qui tournent en rond. Bah ouais, on a grandi en cage, dédicace à ceux qui ont la rage, crève en cellule, bientôt c'est nous et la ville rouge. Singe des rues. C'était Singe des rues. Je me rappelle plus le titre de la chanson. Ça va, on m'entend ? Ah oui. Ah, ouais, donc ce pouvoir et ses juges. Et ben voilà, c'est l'occasion de présenter vite fait un autre petit bouquin brochure qui s'appelle Sachez que je n'attends rien de votre institution, publié aux auto-éditions Orage Papier, et qui est aussi trouvable en brochure sur InfoKiosque. Juste pour contextualiser un tout petit peu le bouquin, c'est dans le cadre de la lutte contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure, dans le nord de la France. Le 18 février 2017, il y a 400 personnes qui attaquent les locaux de l'ANDRA, du coup qui est la société responsable de ce méga projet, qui font tomber les grilles. Et il y a des arrestations, il y a une personne qu'on appellera elle qui est arrêtée et inculpée pour participation masquée à un attroupement, dégradation et destruction des grilles et rébellion. Dans la même veine de verve de défendre ses idées, là c'est un texte du coup qui retrace le juge, enfin le procès de elle. Et donc là, c'est un petit échange entre le juge et elle. Le juge. Si vous êtes là, c'est parce que le 18 février, les forces de l'ordre ont vu un groupe de manifestants qui sont allés au contact de l'enceinte grillagée de l'ANDRA. Un individu au visage caché s'est mis un peu à part et a coupé le grillage avec une pince coupante. Les gendarmes se sont approchés de lui et l'ont interpellé. Apparemment, c'était vous, monsieur. Il semble que c'était moi. Est-ce que vous avez pris une pince coupante pour couper le grillage ? Oui. Vous êtes poursuivi pour dégradation, rébellion et participation à un attroupement. Reconnaissez-vous avoir coupé le grillage avec cette pince ? Oui. Par contre, je ne me reconnais pas sur les photos qui ont été utilisées pour m'identifier. Ce n'est pas moi. Les gendarmes disent que vous avez opposé une résistance violente quand ils ont essayé de vous interpeller. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez tenté de vous soustraire ? Vous n'êtes pas poursuivi pour violence volontaire envers les gendarmes. Je rappelle que la rébellion est un stade inférieur. C'est stoppé à une intervention, sans avoir d'acte violent, d'acte agressif. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez tenté de vous soustraire ? Vous auriez fait quoi à ma place ? Rire dans la salle. C'est à vous que je pose la question. C'était tout simplement pour éviter de se faire arrêter. Comme n'importe qui le ferait. Après avoir découpé un grillage, si je pouvais bénéficier de la même impunité que ceux qui détruisent une forêt, je pense que je me serais laissé faire. Est-ce que vous reconnaissez être resté dans cet attroupement malgré les sommations qui ont été faites de vous disperser ? Je me suis dispersé hors de l'attroupement, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes interpellé et les gendarmes disent que l'individu continue à résister. Il est menotté. On lui demande de se mettre debout. Il refuse à plusieurs reprises. Il faudra 4 personnes pour le porter jusqu'à l'officier de police judiciaire qui va vous mettre en garde à vue. Vous reconnaissez qu'il a fallu vous porter ? Pendant l'interpellation, j'exprime l'indignation contre ce projet. Les regards des gendarmes fuient le mien. Ils soupirent et perdent leur force au fur et à mesure que la parole se libère. À un moment donné, le commandant Dubois est descendu. Je continuais à parler, mais le commandant a commencé à m'étrangler. J'ai des traces de strangulation qui ont été constatées par le médecin. Pendant plusieurs secondes, je ne pouvais plus respirer. Alors je ne faisais que parler. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser les autres présenter leur bouquin. Mais la brochure. La suite de l'histoire de elle, c'est que il s'est quand même bien défendu à son procès et il a été en partie relaxé, mais il y a eu une procédure d'appel qui l'a recondamné. Et je vous invite à découvrir la brochure et on va passer un petit morceau avant de passer à une autre présentation de bouquin. Still a woman that I've ever had. Oui. Oui, oui. Ouais. Bonsoir. Alors moi je vais présenter L'entraide, un facteur de l'évolution. C'est un autre livre qu'on a à la Lapinothèque. Alors l'auteur c'est Kropotkin, hein, de prénom Pierre. Alors en fait Kropotkin est un géographe et anarchiste russe. Alors voilà, en deux mots, il est né en 1842, il est mort en 1921. Mais il est aussi anthropologue, donc il est géographe et anthropologue, et anarchiste en plus. Alors il fait en fait une toute petite bio en lien avec le livre, c'est qu'il fait son service militaire en Sibérie orientale. Et là, quand il est là-bas, en fait, il observe, il en profite pour observer l'organisation sociale des petites communautés sibériennes et des peuples reculés, dont il trouve que l'inventivité institutionnelle et le sens de la coopération sont très intéressants et à milieu du pouvoir centralisé. Donc ça le frappe énormément. Et puis, bien après, il voyage en Suisse. Il voyage un peu à travers le monde, mais à un certain moment, il passe en Suisse et dans le Jura. Et il passe au bon moment, parce qu'en 1872, il va rencontrer Élisée Reclus, et Bakounine. Je m'excusais auprès d'Élisée. Hein. Il va devenir anarchiste. À ce moment-là, donc en 1872, il va même devenir le théoricien le plus respecté du mouvement anarchiste international. Alors en fait, ce qui va se passer par après, c'est qu'en 1880, il assiste à une conférence donnée par le professeur Kessler, qui est un des premiers zoologistes à proposer l'aide mutuelle plutôt que la lutte. Comme étant le principal facteur de l'évolution d'une espèce. Donc en fait, ce monsieur soutient l'idée qu'à côté de la loi de la lutte réciproque, donc pour s'assurer des moyens de subsistance, il y a aussi la loi de l'aide réciproque, qui concerne plutôt la lutte contre les conditions naturelles défavorables aux espèces. Et Kropotkin va en faire la loi de la jungle, en fait. Hein. Du coup, lui, il va adhérer tout à fait à cette idée que la loi de l'aide réciproque prime sur la loi de la lutte réciproque. Et du coup, ce qui se passe aussi, c'est que ce n'est en fait que le développement des idées exprimées par Darwin auparavant, dans son livre « De l'origine des espèces, par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie », ouais, c'est un très long titre, qu'il avait écrit en 1859, donc en fait, mais dont on n'a repris qu'une partie des idées. Kropotkin, il rentre à fond dans l'idée de l'aide réciproque. Et en 1888, quand M. Huxley, je crois qu'il s'appelle Thomas Henry ou un truc comme ça, en tout cas c'est le grand-père d'Aldous, qui est un des plus, donc pas Aldous, mais son grand-père, est un des plus ardents défenseurs des thèses de Darwin. C'est un espèce de bulldog de Darwin, comme on l'appelle à l'époque, et qu'il défend les thèses voulant que la compétition et l'élimination des moins aptes soient les principaux facteurs d'évolution. À ce moment-là, en 1888, donc ce monsieur Huxley il publie son manifeste de lutte pour la vie, qui s'appelle The Struggle for Life, et ça provoque une réaction immédiate chez Kropotkin, où il contacte le journal The 19th Century pour demander son accord de publier une réfutation. Alors, en fait, du coup, il va écrire des articles qui seront publiés entre 1890 et 1896, et qui seront rassemblés dans un livre pour être publié en 1902. Et ce livre, c'est Un facteur de l'évolution, enfin l'entraide, un facteur de l'évolution. Alors l'ouvrage, en fait, dénonce donc la supercherie d'une idéologie fondée sur l'individualisme et la concurrence entre tous, et met l'entraide comme un facteur essentiel de la survie des sociétés humaines, et comme étant un facteur d'évolution. Alors en fait, son livre se décline en plusieurs parties. Il va d'abord parler de l'entraide chez les animaux, où la grande majorité des espèces vivent en société et qu'ils trouvent dans l'association leurs meilleures armes dans la lutte pour la survie. Et puis ensuite, il va décrire de nombreuses associations formelles ou informelles, mais aussi il va parler de l'esprit de justice, du droit commun qui jalonne l'histoire et la vie des sociétés les plus reculées. Donc il va commencer par les sociétés qu'il appelle à l'époque, mais il ne faut pas lui en vouloir, voilà, et c'est un homme de son époque. Du coup, il appelle l'entraide chez les sauvages, et puis ensuite l'entraide chez les barbares. Voilà, et du coup, il décrit un petit peu dans ces sociétés le processus d'entraide qui, selon lui, donc prime sur la pour la survie de l'espèce. Ça devient vraiment, pour moi, personnellement, très agréable à partir du moment où il parle. Enfin, c'est déjà très agréable avant, mais à partir du moment où il parle, où il commence à parler des sociétés humaines, ça devient vraiment beaucoup plus intimiste, je dirais, et intéressant. Et puis ensuite, il parle des cités du Moyen-Âge, où par exemple, il décrit l'organisation des guildes. Alors les guildes, c'est des organisations qui naissent entre le Xe et le XVIe siècle, et qui sont des regroupements fraternels, temporaires ou pas, dans lesquels il y a des assemblées populaires, la possession commune des terres, l'auto-juridiction, les fédérations entre cités et des groupes de cités. Donc ça, pour moi, c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai que le Moyen-Âge, on a plutôt une image assez glauque de cette période-là, et du coup, lui, il va faire ressortir tous les éléments d'entraide qui existaient à cette époque-là et dont on n'entend jamais parler, et qui étaient assez présents au sein des communautés. Ensuite, il va passer à son époque, hein, et donc il va parler des enclosures, et donc il y a une espèce de passage comme ça entre le Moyen-Âge et la Renaissance, où il parle des enclosures. Donc c'est un moment où il y a l'appropriation massive des terres communales par les seigneurs avec l'appui du clergé. Donc ça, c'est dès le XVIIe siècle. Et puis il va décliner 1789, etc. Mais où, selon lui, à cette époque-là, il y a la restitution des terres aux paysans les plus riches, mais c'est seulement les paysans les plus riches, en fait. Et il fait une petite note sur la Belgique, et du coup, voilà, en Belgique, apparemment, les communes n'obéissaient pas, donc elles ne voulaient pas donner les terres, et du coup, en 1847, il y a une loi qui donna au gouvernement le pouvoir d'acheter et de procéder à une vente forcée des terres communales en détail. Voilà, alors maintenant je vais vous lire un petit passage qui concerne cette transition, en fait, entre le Moyen-Âge et l'analyse qu'il fait de sa propre époque. Donc il va parler de Florence au XVe siècle. Alors, Florence au XVe siècle est le type de ce changement. Auparavant, une révolution populaire était le signal d'un nouvel espoir, d'un nouvel essor. Mais maintenant, quand le peuple pousse au désespoir et s'insurge, il n'a plus d'idées constructives. Nulle idée ne se fait jour. Un millier de représentants entre au conseil communal au lieu de 400. 100 hommes entrent à la signoria au lieu de 80. Mais une révolution en chiffres ne veut rien dire. Le mécontentement du peuple s'accroît et de nouvelles révoltes s'élèvent. Alors, on fait appel à un sauveur, au tyran. Il massacre les rebelles, mais la désintégration du corps communal continue, pire que jamais. Les masques de carnaval et les mauvais livres sont brûlés. On fait passer une loi de charité, une autre contre les usuriers, et la démocratie de Florence reste ce qu'elle était. L'esprit de l'ancien temps est mort. Pour avoir eu trop de confiance dans le gouvernement, les citoyens ont cessé d'avoir confiance en eux-mêmes. Ils sont incapables de trouver de nouvelles voies. L'État n'a plus qu'à intervenir et à écraser les dernières libertés. Voilà pour l'extrait. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit air de musique pour quand même rendre compte de pour quand même rendre un petit hommage qui a été bafoué pendant les 5 dernières minutes de cette émission au darwinisme social. Et du coup, voilà. If efficiency in progress is ours once more, now that we have a neutron bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. Away with the sense and know me, but no less valued a property. The sense in war, but perfect sense. Down and a brand new day. No more will they tax the pay. Excitement's gonna be flashing a light. Godless millions whisked away. At last we have more room to play. Our systems don't kill the fool of the night. Gotta kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool of the night. The sparkle of champagne. The crime rate's gone to free again. A life's of the reason humans feeling right. Jane Fonda on the screen today. Convince the liberals it's okay. So let's get tested and so away the night. Oh, all right. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Ha, ha, ha, ha, ha. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor of the night. Je vais vous présenter un fanzine qui s'appelle Chéri Bibi. Alors Chéri Bibi, c'est un fanzine qui existe depuis 2007. Enfin, il existait déjà avant sous une autre forme, mais c'est à partir de 2007 qu'il est devenu plus beau, plus de couleurs, plus de pages. Là, pour vraiment arriver à des beaux objets, c'est presque un magazine en fait. Et c'est un fanzine qui porte sur la culture populaire. Alors évidemment, culture populaire, c'est un bien grand terme, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans ? Je pense de la part des rédacteurs du fanzine en question, on entend surtout culture populaire d'abord comme un certain nombre de sous-cultures, le punk, le mouvement skinhead, le reggae, etc. Et aussi les productions, c'est déjà plus difficile à qualifier, mais on parle de littérature de gare par exemple, des romans policiers bon marché, type qu'on trouvait dans les kiosques, ou même de la littérature érotique, même niveau. Et voilà, en gros, ça parle de ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt érudit comme fanzine. Quand ils s'attaquent à un dossier, c'est plutôt costaud, ils vont très très loin dans les recherches. Ce qui fait que vous êtes amené à lire des choses qui vous intéressent pas du tout à la base. Et que pour finir, on y prend vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Alors, il y a jusqu'à présent 10 numéros, c'est à parution assez irrégulière. En gros, le numéro sort quand le numéro est prêt. Il y a déjà malheureusement un certain nombre de numéros qui sont épuisés. Et à la Lapinothèque, nous n'avons plus que 2 numéros pour l'instant. On espère un jour se réapprovisionner, mais c'est mal parti parce que le gars qui fait ça était venu au Nova il n'y a pas si longtemps. On a pu discuter avec lui et voilà, vraiment, c'est des objets rares et précieux. Je vous encourage à sauter sur la prochaine Lapinothèque pour vous en saisir, sauf si mes camarades qui m'écoutent ici les achètent pour eux à la fin de ma présentation. Donc les deux numéros qui nous restent, parce qu'il y a des thématiques en général par numéro, il y en a un sur la science-fiction et un autre qui est spécial Police Menottes Prison. Alors je fais vite un petit peu la science-fiction, je vous passe un peu le... comment on appelle ça encore ? La table des matières. Donc une petite causerie avec Regan News qui est un groupe de hardcore du début des années 80, donc à l'époque c'était des petits jeunes, ils avaient 16 ans, ils faisaient beaucoup de bruit en mode très énervé, et il se trouve qu'ils font encore de la musique maintenant et que, comme par hasard, le gars qui fait le fanzine a croisé le guitariste et que donc il a eu une interview. Il y a eu un petit article sur Otis Redding, sur un certain Joe Mixtory qui est un anglais qui a été un producteur de musique populaire. Ils reviennent, bon, les gars qui font ça sont principalement dans la mouvance skinhead, du coup ils sont comme très intéressés par le reggae et en général, en fonction des thèmes, parce qu'il y a eu les thèmes western, il y a eu les thèmes kung-fu, ici c'est science-fiction, et ils nous font toujours un petit dossier sur les influences de la science-fiction sur la musique reggae, les influences de la musique kung-fu sur la musique reggae, ou le western sur la musique reggae, et c'est toujours passionnant. Une causerie avec Roy Ellis, justement un des anciens de cette mouvance-là. Une causerie avec Nabat, qui est un groupe skinhead italien assez engagé et plutôt pas mal, ils ont plein de choses à raconter. Enfin voilà, comme vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Il y a le petit pervers du peuple, c'est une rubrique sex-fiction, les fesses cachées de la lune, qui est... un petit dossier sur l'érotisme et la science-fiction. Et puis, bien sûr, aussi, du coup, la recension de beaucoup de disques, de livres et de fanzines. Donc voilà. C'est quand même assez conséquent. Hein. Il y a presque une centaine de pages par numéro. Voilà. C'est du beau boulot. Alors, dans l'autre numéro, le spécial Menottes Prison, je voulais quand même noter... Ça rejoint un peu ce que camarade Dylan parlait sur la répression, etc. Donc, dans le panel, il y a une causerie avec Abdel Hafet Ben Othman, qui est un des fondateurs du journal L'Envolé, pour ceux qui connaissent, qui est un journal anticarcéral français qui existe déjà depuis plusieurs années, et une émission de radio aussi. Et j'ai Jean-Marc Rouillant, qui est donc l'ancien d'Action Directe, qui est maintenant, je pense, parce que je suis pas toujours... Maintenant, il est en liberté. Oui, il est en liberté. Voilà. Jusqu'à présent. Et donc, une causerie qui s'appelle La prison, c'est très surfait, on est bien mieux dehors pour bouquiner. Donc, sur les rapports entre aussi littérature, prison, c'est deux écrivains, donc ils ont eu l'occasion de pas mal écrire sur la réalité des prisons. Dans ce numéro, il y a aussi un truc assez incroyable, c'est une causerie avec Serge Gainsbourg. Alors là, je vous rassure, ils n'ont pas invoquer les esprits pour avoir une interview. C'est issu d'un vieux truc qu'ils ont trouvé, une interview que Serge Gainsbourg avait donnée à un journal qui s'appelait Le Soldat, qui était un journal qui était au début des années 80, défendait les droits des troufions. Comme quoi, à l'époque, il y avait encore des critiques un peu partout qui pouvaient surgir. Il y a dans ce numéro-là aussi une causerie avec Jello Biafra. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chanteur de la chanson qu'on vient juste d'entendre, Kill the Poor, qui est un groupe fondé en 1978 sur la côte est américaine, des précurseurs du hardcore, et qui sont très très rigolos. Alors juste pour vous donner un peu plus envie, je vais vous lire aussi un petit extrait, si je retrouve, voilà. Alors, ici il s'agit de la rubrique Chansons Populaires, une rubrique qu'on retrouve dans chaque numéro, où il retrace un peu l'histoire d'un morceau. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la chanson Lily Marlène. Une chanson nostalgique et sensuelle qui résonne douloureusement quand on est loin de celle qu'on aime, même si l'on n'est pas soldat, et qu'elle ne s'appelle ni Lily ni Marlène. 1915. Hans Leip, un jeune prof allemand de 22 ans, fixe le plafeter de sa caserne berlinoise. Assigné à faire la sentinelle suite à une propension à l'indiscipline, et peut-être aussi à sa grande taille, il mesure 2 mètres, ce fils de docker enrôlé à l'insu de son plein gré dans la garde impériale se morfond grave. D'autant que dans pas long, on l'enverra sur le front de l'Est, où ce que ça rigole pas. Une main sur le cœur et l'autre sous le drap, il songe à la petite Lily, nièce de sa logeuse. Partageux, il songe aussi à la petite infirmière Marlène. Rêvant sans doute d'un plan à 3, Lev va mêler les prénoms de ses amoureuses en un seul et écrire les 3 strophes du poème « La fille sous la lanterne ». Avant de se barrer combattre les Russes en avril 1915, puis, le Vénard, d'être démobilisé en décembre de la même année, s'étant pété le dos en tombant d'un pont. Tant mieux pour lui. En 1937, il publie son poème en recueil, lui ajoutant 2 strophes évoquant la mort du jeune Bidas et le rebaptisant « La chanson d'une jeune sentinelle ». Lyle Anderson, une chanteuse de cabaret, demande illico à un ex-amant, le compositeur Norbert Schulz, de mettre une mélodie là-dessus. Un peu feignant, le Norbert se contente de recycler la musique qu'il avait pondue pour une pub radio pour le dentifrice Chlorodon. Lyle Anderson demande la même chose à un autre amant, Rudolf Zink, et chante puis enregistre les 2 versions en 1938 et 39. Mais avec à peine 700 exemplaires vendus, c'est un beat total. 1941. Les nazis se sont emparés de Belgrade et le lieutenant Hans Karl Rentgen est bien emmerdé. Nommé Dirlo de la radio militaire, qui émet jusqu'en Afrique du Nord, il n'a plus des masses de disques à dispo pour jouer les DJ all-nighters sur les ondes de la Wehrmacht. Même pas un sardou, la zone. Il finit par dégoter quelques galettes, dont Lily Marlène, dans la version de Schulz qui devient rapidement l'indicatif de la station, jouée tous les soirs à 22h pétantes. Aussitôt, cette chanson d'amour lointaine résonne dans le cœur en berne des bifins de tout horizon, notamment à Tobrouk, en Libye, à leur colonie italienne, où Allemands et Anglais attendent des 2 côtés du front un hypothétique taxi pour la maison. Quand chaque soir, Radio Belgrade diffuse Lily Marlène, les canons ferment leur gueule et chacun, Bosch ou Rosbif, songe à Lily, à sa Lily, à sa Marlène, à sa Lily et à sa Marlène, bref, à autre chose qu'à se foutre sur la tronche. Et ça, s'il y en a qui s'en fout un pétard, c'est le petit Goebbels, ministre de l'éducation du peuple et de la propagande, qui accuse notre Lily Marlène de démoraliser ses troupes en leur enlevant le goût d'enfoncer leurs baïonnettes dans le gras du voisin. Il tente alors d'interdire ce qu'il qualifie de « danse macabre », « défaitiste », puis essaye d'en diffuser sans succès une version plus martiale. Peine perdue. La chanson se répand comme une traînée de poudre dans les 2 camps. Un ancien de l'Afrika Korps en témoignera. Le soir, nous écoutions la radio, assis en silence. Et à 80 mètres de là, une voix criait « Camarade, plus fort !» Donc, voilà. C'est un petit extrait de la prose qu'on trouve, mais c'est un bon exemple parce que à partir d'un petit sujet, je ne sais pas comment ils font pour trouver toutes ces informations, mais ils creusent très très loin. Et du coup, ça devient passionnant sur à peu près n'importe quoi. Et ça fait sens. Et voilà, mais du coup on va terminer là-dessus pour la Lapinothèque. Donc si jamais vous êtes intéressé par les livres ou textes qu'on a présentés, vous pouvez toujours nous contacter via la page des Lapins Électriques. Et on n'a pas vraiment d'agenda pour bientôt où on sera, mais peut-être qu'on se croisera. Si, on sera à l'AJT le mardi prochain, tiens, le mardi 5 mars. C'est vrai ? Bah oui, il me semble, oui. C'est dit ça ? D'accord. Ouais. Oui, pourquoi pas. Mardi 5 mars, donc à la JT, il y a le Ripaille et Tonight. C'est le, ouais. C'est un repas contre les frontières. Ouais, un repas collectif contre les frontières. Un moment où on peut un peu se filer des infos sur les luttes en cours. Et puis on mange ensemble et il y aura la distro Lapinothèque. Et tu as une adresse, bien sûr. Oui. Et l'adresse, c'est le 114 rue Gaucheret. À Scarbeck, merci. Ouais. Et c'est donc à 18h. C'est vegan et à prix libre. Voilà. Voilà. Et c'est bien, oui, on a déjà anticipé sur l'agenda. Et les enfants sont admis. Hein. Ah, quelle horreur. Ah oui. Ah oui, garderie, il y a une garderie prévue. Hein. Ça, je sais. Ouais. Et avant de passer à l'agenda proprement dit, ouais. Même s'il y a une partie qui a déjà été. Mais il était dedans, hein. L'agité était dedans. Je propose un petit morceau de Skinhead Reggae pour apaiser les mœurs et se faire du bien. Une chanson, j'ai oublié le titre, l'auteur. Mais ça vient d'une compilation qui s'appelle Skinhead's Revolt. everybody say, you do each and every little thing, but where is everything when I ain't got you? Ain't got you, ain't got you, ain't got you. You don't know what it's like. Oh baby, you don't know what it's like. You gotta love somebody. Voilà, donc nous allons terminer par un petit agenda qui n'est pas très fourni cette semaine. Alors il y a d'abord à l'UPJB à 15h, vous avez une conférence débat sur le retour des identitaires, des nationaux aux indigènes par Manuel Abramowitz, coordinateur des résistances.be, journal de l'Observatoire belge des radicalismes. Donc ça se passe à l'UPJB 61 rue de la Victoire, à 1060 Bruxelles. Ensuite, vous avez le même jour à 19h30 à Akrata, la bibliothèque Akrata rue de la Grande-Île numéro 32, la projection d'un film qui s'appelle Akratas et présentation du livre Charbonnerie El Buen Trato. Donc dans un contexte de lutte ouvrière forte où les grèves insurrectionnelles se succèdent, certains anarchistes décident de s'organiser en groupe d'action pour attaquer les responsables de la répression, pour faire péter des ambassades, des banques, pour faire évader leurs compagnons, pour exproprier l'argent où ils se trouvent. Ils s'appellent eux-mêmes anarchistes expropriateurs. Le film suit principalement le parcours de Rossignia, tandis que le livre trouve son point de départ dans une action en particulier, l'évasion par un tunnel de 10 prisonniers, dont 7 anarchistes du bagne de Punta Carretas à Montevideo. L'un et l'autre reviennent sur les actions menées par ces individus qui mirent leurs idées en pratique sans transiger, qui décidèrent d'en découdre directement avec l'ennemi, qui pensaient que l'anarchisme ne peut se limiter à des paroles, qu'il appelle l'action envers et contre tout. Voilà, ça c'est donc jeudi 28 février, donc demain, à partir de 19h30 à la bibliothèque Akrata, 32 rue de la Grande-Île à Bruxelles. Alors, lundi 4 mars, à partir de 18h30, comme tous les lundis, vous avez des discussions sur l'anarchie, surtout à l'Anarchive, qui est un lieu qui se situe au 131 avenue Boyle à Bruxelles. Donc à partir de 18h30, vous aurez une discussion sur l'amour en non-mixité choisie, sans mec 6, Donc après avoir proposé une discussion sur le même sujet en mixité, on a voulu pouvoir aussi se rencontrer en non-mixité, car le sujet abordé parle aussi bien évidemment des constructions de genre, de l'oppression masculine et du patriarcat. Alors s'il y en a dans le fond que ça dérange, eh ben ça tombe bien parce qu'elles ne sont pas invitées. Donc ci-dessous la présentation initiale de la discussion en mixité du 18-12, on avait envie de vous inviter à parler d'amour, de comment on arrive à s'aimer dans ce monde pourri. On voudrait partir de nous-mêmes pour décider comment on construit une relation, en dehors des codes de la fidélité, des droits et devoirs, de l'hétérosexualité. On aimerait que cette conversation soit aussi tendre que le sujet qu'elle tente de développer, mais on prendra aussi leurs peurs et les crispations avec. On comprend que ce soit pas facile pour beaucoup de gens d'en parler. On va parler d'amour, d'amitié, de désir, de sexualité, de patriarcat, de violence. Plein de bisous, on vous attend. Les relous, les machos, ceux qui font pas gaffe aux autres, sont comme d'hab à l'anarchif, pas les bienvenus. Voilà, alors on vous dit que l'accès se fait par l'arrière. Ensuite, mardi 5 mars, donc on en a parlé, à la JT, vous avez Ripaille et Tenaille, qui est une bouffe contre les frontières, et qui se passe donc tous les premiers mardis du mois à la JT, qui se situe au 114 rue Gaucheret à Bruxelles, donc c'est à Schaerbeek, et ça commence à 18h, où il y a un point d'info actualité, collectif et participatif sur la répression des migrations et les luttes contre les frontières. À partir de 19h, donc il y a un repas, tout le monde mange ensemble et puis on cause et on échange. Voilà, il y a beaucoup, les enfants sont les bienvenus. Ben c'est tout pour cette semaine, mais sans oublier, je vais vous parler quand même que la semaine prochaine, le vendredi 8 mars, c'est la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes, enfin bon, des luttes pour le droit des femmes. Et donc il y aura tout un mouvement qui aura lieu ici à Bruxelles avec une grève des femmes en général et puis une marche qui aura lieu à partir de 17h30. Les événements commencent à partir de 8h30. La grève commence à partir de 8h30 et dure toute la journée. Et à 17h30, il y aura donc une marche. Si vous voulez, il y a un collectif qui s'appelle le collectif 8 mars. Vous pouvez vous regardez sur internet, collectif 8 mars avec mars avec 2 A. Et donc vous pouvez tout trouver sur internet, le programme, ce qui va se passer. Il y aura des ateliers thématiques, il y aura plein de choses, voilà. Donc, et plein de monde. Je pense qu'il y aura pas mal de monde. En espérant qu'il va faire beau. Voilà. Et il y a aussi, donc, à partir de jeudi, vendredi et samedi, et dimanche, non, aussi, non ? Le truc de coiffure Liliane, c'est quel jour ? Jeudi, vendredi, samedi, oui, c'est coiffure Liliane. Alors, il faut vous dire que ça se passe, l'entrée est rue des Renards, je crois, je ne me souviens plus. Oui, c'est ça. C'est un cabaret, en fait. C'est un cabaret qui revient pour juste 3 jours, 3 soirées. Et donc, jeudi, vendredi, la semaine dernière, il y avait encore des places jeudi, vendredi, mais essayez de voir s'il y a des places. Je vais quand même vous rappeler le numéro de téléphone. C'est au centre Bruegel, 1F rue des Renards, dans les Marolles. Et alors, bon, il n'y a rien ici pour marquer. Il n'y a pas de site, enfin, c'est pas grave. Il y a le numéro de téléphone, en fait, où les gens peuvent appeler pour voir. Ah oui, il y a un numéro de téléphone, c'est le 0489-393. 606. Voilà, vous pouvez appeler éventuellement pour savoir s'il y a encore des places pour le 28 février et le 1er mars. Par contre, pour le 2, c'est inutile d'y aller parce que tout est complet. Voilà. Donc, ça commence à 20h. Et si vous voulez y aller, voilà. À part ça, ben rien. On se voit donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, on va inviter des personnes justement qui font partie du collectif 8 mars. Et donc, on parlera de tout ça. On vous donnera toutes les informations utile à ce moment-là. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.